L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Lions Club de Toul organise une marche gourmande le dimanche 13 juin au programme Découverte du territoire, de la gastronomie et des paysages du Toulois. Alain Deladonchamp, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du Lions Club de Toul. Expliquez-nous un peu que représente cette marche gourmande du 13 juin pour le Lions Club. Pour le Lions Club, cette marche a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire passer une journée agréable à tous les participants en découvrant à la fois les paysages et la gastronomie du territoire toulois, qui est vraiment très riche dans tous ces domaines. Et le deuxième objectif, c'est de recevoir un peu d'argent pour les actions futures, qui sont pour cette année orientées principalement sur l'aide aux personnes vivant dans la précarité et la sauvegarde de l'environnement. Voilà, ce sont les deux grands objectifs pour cette année. On va revenir un peu aussi sur ces projets, justement. Alors, pour repréciser aussi le rôle des Lions Club, il y en existe beaucoup en France. Le Lions Club est une organisation internationale qui a cinq grands axes d'action. Chaque club peut retenir les actions qu'il souhaite prioritaires. Et effectivement, le Lions Club est présent partout en France. Si on regarde sur la région Meurthe-et-Moselle, par exemple, il y a un club à Toul, il y a un club à Pompée-Liverdun, un club à Pont-à-Mousson, cinq clubs à Nancy. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de représentations de cette organisation internationale qui a pour but, c'est le slogan, de servir et essayer partout où c'est possible d'avoir des actions pour servir là où les besoins se font sentir. Donc les clubs peuvent retenir des orientations principales. Pour le club de Toul, nous avons retenu l'axe précarité et l'axe environnement, ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'action dans d'autres domaines, mais ce seront pour les deux années 2020-2021 et maintenant 2022, ce seront les axes prioritaires. Alors par exemple, dans l'axe précarité, nous avons en début d'année distribué ce que nous avons appelé des colis solidaires dans les 56 communes du Toulois, en faisant appel au maire de chaque commune pour nous indiquer 2, 3, voire plus de personnes ou de familles à qui ça ferait vraiment du bien de recevoir un colis. Alors un colis plutôt constitué de petites choses qui font plaisir plutôt que de nourriture. Il y avait des BD, des livres, des produits d'hygiène, un certain nombre de petites choses comme ça qui peuvent faire du bien. Alors pas obligatoirement des personnes qui vivent dans la précarité financière, mais qui ont peut-être subi un événement difficile et pour lesquels ce petit cadeau en janvier pouvait apporter un petit peu de bien-être, de bonheur, de joie. Et donc ce sont les membres du Lions Club de Toul. Donc nous sommes 31 membres, donc presque tous ont participé à cette action en se rendant dans 2, 3 ou 4 villages pour remettre ces colis aux personnes que le maire nous avait indiqué. Voilà, une belle action symbolique pendant cette période de crise sanitaire qui était très utile pour ces familles. Parlons maintenant de ce rendez-vous du 13 juin qui, là aussi, est tourné vers le bien-être et le plaisir. C'est cette marche gourmande du Toulois. Dans quel secteur ça va se passer plus précisément? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Le départ se fera à Brûlé. Là, il y aura possibilité de déguster un petit café, du thé, jus de fruits et viennoiserie, avec à côté le marché des saveurs et de l'artisanat. Le départ donc aura lieu rue de la République vers Lucé, avec donc la découverte des vignobles des Côtes de Toul et la vue sur les vignes l'évêque de Lucé. Le point numéro 1, ce sera la place de la gare à Lucé, avec dégustation de mini-pâté lorrain, des quiches lorraines, le vin gris et de l'eau. Ensuite, le cœur du village de Lucé, un village lorrain avec des viticulteurs, la maison de la polyculture. Le point numéro 2 sera toujours à Lucé, à la place de l'église, avec dégustation d'escargots du terroir, beurré en feuilleté, et du vin auxerrois, évidemment de l'eau. Ensuite, le sentier haut vers Brûlé, avec les paysages des côtes de Toul et les vues depuis ce point-là quasiment jusqu'à Nancy. Le point numéro 3 donc sera l'aire de pique-nique de Brûlé, avec dégustation du plat chaud, donc fricassé de volaille fermière avec tagliatelle et du pinot noir et de l'eau, avec possibilité là de voir la chapelle du 12e siècle à Brûlé. Toujours dans Brûlé, la chapelle du rosaire avec les faïences et puis le musée de la vigne et le matériel viticole de monsieur Marcel Larope. Ensuite, le point 4 sera donc un retour vers Brûlé, salle des Triboulottes, avec dégustation de tartelettes à la Mirabelle, pétillante du Toulois et de l'eau. Et l'arrivée se fera au marché des saveurs et de l'artisanat, au point de départ. Voilà un programme qui donne l'eau à la bouche et une belle carte postale aussi de ce territoire. Pour y participer à cette marche gourmande, comment on fait ? Pour y participer, soit on a reçu la petite plaquette qui s'appelle « Les bonnes adresses du Toulois » avec en dernière de couverture la petite affiche et derrière le bulletin d'inscription. Donc le bulletin d'inscription peut se trouver aussi sur la page Facebook du Lions Club de Toul. Et on peut trouver également le bulletin d'inscription sur le site internet du Lions Club de Toul. Et puis, la dernière possibilité, c'est d'envoyer un mail à notre structure, spécialement ouverte pour cette marche gourmande, tout attaché en minuscule, marchelionstoul@gmail.com. Voilà, donc toutes les possibilités pour vous contacter. On retrouvera bien sûr tout ça sur le site de la radio www.fadjet.net. Rappelons aussi que l'argent récolté permet de financer d'autres de vos actions. On peut dire très rapidement peut-être un mot sur ces boîtes actions SOS que vous mettez en place. Oui, tout à fait. Alors les boîtes SOS Lyons qui ont été mises en place au départ par un club de Savoie commencent à se distribuer dans de plus en plus de régions. Le principe, c'est que pour une personne qui peut présenter un certain nombre de fragilités, qui peut se trouver chez elle en situation délicate et qui ferait appel à des secours, dès que les secours arrivent au domicile de cette personne, si au dos de la porte, il y a le petit écusson, petit autocollant du Lions Club, ils savent que dans le frigo se trouve une boîte dans laquelle sont inscrits tous les renseignements concernant cette personne. Aussi bien les renseignements administratifs, numéro de sécurité sociale, personne à contacter, etc. Et tous les éléments médicaux qui permettent de savoir si pour cette personne, il y a des disponibilités spécifiques à prendre. Par exemple, si c'est une personne diabétique ou une personne cardiaque. C'est indiqué, on connaît les traitements que cette personne reçoit. Et du coup, les secours peuvent intervenir beaucoup plus rapidement et dans certains cas, sauver des vies. Voilà, donc le principe de ces boîtes actions. On en reparlera probablement aussi sur Fadjet prochainement, oui. Plus en détail. Voilà, puis d'autres projets, bien sûr, pour l'année à venir. Un autre événement qui aura lieu l'année prochaine, mais qui est en grande préparation, c'est un salon de l'environnement qui aura lieu à l'Arsenal de Toul, avec de nombreux intervenants et de nombreux exposants. Ce sera le premier salon de l'environnement en Meurthe-et-Moselle. Eh bien, voilà donc un programme à suivre, bien sûr, toute l'actualité du Lions Club de Toul. Alain de Ladonchamp, merci. Je vous remercie aussi. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.